إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc inshallah ta'ala, ce soir on commence donc une autre série de cours, étant donné que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et grâce à son aide, Azza wa Jal, on a terminé la semaine dernière la lecture et la traduction de l'explication de Kitab al-Tawhid, Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Et le mérite revient à Allah Azza wa Jal en premier et en dernier. Donc, je vous avais annoncé qu'aujourd'hui, on commencerait, Inch'Allah ta'ala, la lecture des fatawa de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, que vous connaissez tous, qui est un grand savant de ce siècle, rahimahullah, qui est décédé dans les années 2000, en 2001. Un grand savant d'Arabie Saoudite, rahimahullah ta'ala, connu et reconnu par les savants comme tel. Il y a la biographie de ce cheikh que l'on avait fait à l'époque, je crois qu'on l'avait fait en 2004 ou en 2005, qui est disponible sur le site, la vie de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, un grand savant érudit, rahimahullah ta'ala, un savant qui, lorsqu'il parlait dans le tafsir, dans l'explication du Coran, j'avais l'impression que c'était sa spécialité. Lorsqu'il parlait dans la langue arabe, que ce soit des cours de Nahou, de Balagha ou autre, tu avais l'impression que c'était sa spécialité. Lorsqu'il parlait du fiqh, qui rentrait dans les profondeurs du fiqh, rahimahullah ta'ala, il te donnait l'impression que c'était un spécialiste dans le fiqh. Et ainsi de suite, rahimahullah ta'ala, un grand savant qui a donné beaucoup de son temps dans l'enseignement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des cours particuliers à ses élèves qui se comptent par milliers, que ce soit dans la mosquée sacrée de la Mecque, rahimahullah ta'ala, dans laquelle il se rendait souvent, notamment pendant le Ramadan, pendant le Hajj, et dans d'autres périodes également où il donnait des cours dans la mosquée sacrée de la Mecque, où ses assises étaient des assises dans lesquelles assistaient énormément de monde. Et Alhamdulillah, Allah nous a comblé de bienfaits d'avoir pu assister à de nombreuses assises de ce cheikh, rahimahullah ta'ala. Il donnait de son temps également pour enseigner la religion à la masse des gens, que ce soit chez lui. Il a une série de questions-réponses appelée Liqa al-Bab al-Maftouh, la rencontre, entre guillemets, des portes ouvertes, car il ouvrait la porte de chez lui, rahimahullah, tous les jeudis matins, de 10h jusqu'à à peu près l'adhan de Al-Dhuhr, aux alentours de midi, midi et quart, dans lesquelles pouvaient assister à la fois des étudiants en sciences, à la fois la masse des gens qui venaient chez lui, rahimahullah, et pouvaient lui poser directement des questions. De même qu'il participait, rahimahullah ta'ala, à cette émission radio appelé Nourun ala Darb, que l'on pourrait traduire par le chemin de lumière ou le chemin éclairé. Darb qui est le chemin, Nour qui est la lumière, donc le chemin éclairé ou le chemin de lumière. Une émission quotidienne de radio dans laquelle énormément de savants y ont participé et y participent encore jusqu'à nos jours, car c'est une émission radio qui est toujours existante jusqu'à nos jours, dans laquelle participe notamment le Mufti, Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, dans laquelle participe Cheikh Al-Fawzan et d'autres savants parmi les grands savants d'Arabie Saoudite ont participé à cette émission. الشيخ عبد العزيز ابن باز الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله تعالى et bien d'autres grands savants connus et tout ceci est disponible par la grâce d'Allah Azza wa Jal sur internet. Et je crois que c'est une émission qui passe tous les jours à 20h30 précisément. Et c'est une émission qui est assez courte, qui dure une vingtaine de minutes, dans laquelle les questions des auditeurs sont posées aux savants qui répondent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur permet de répondre. Et ces assises qu'a accordé Cheikh Ibn Uthaymin à cette émission radio, Nourun ala Darb, s'élèvent à plus de 700, comme je l'ai dit la semaine dernière. Et par la grâce d'Allah Azzawajal, toutes ces assises ont été retranscrites. Elles ont été retranscrites à l'écrit et elles ont même été réunies dans à peu près une douzaine de volumes appelés Fatawa Nourun ala Darb de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Et ces 12 volumes sont les fatwas ont même été catégorisés. Fatwa sur la aqida, les fatwa sur la prière, les fatwa sur la zakat, ainsi de suite. La retranscription est aussi disponible de façon brute, à savoir chaque assise et chaque émission retranscrite. Ceci, pourquoi avoir choisi ce thème des fatwa et les fatwa des grands savants, notamment des savants contemporains? Tout d'abord, les questions-réponses, c'est un moyen d'apprendre sa religion également. Lorsque Jibril alayhi salam est venu enseigner la religion au prophète sallallahu alayhi salam, il lui a posé des questions et il lui a donné, et le prophète sallallahu alayhi salam a donné des réponses. Donc, l'utiliser le moyen de questions-réponses pour apprendre sa religion est un moyen qui est efficace et qu'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam à de nombreuses reprises avec ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et le fait de lire les fatwas des savants permet également de connaître la valeur des savants de l'islam et de prendre l'habitude de revenir vers eux. Car Allah Azza wa Jalla dit « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun » Demandez aux gens du rappel lorsque vous ne savez pas. Et les gens du rappel, les gens du Coran, ce sont les savants de l'islam. Donc le musulman se doit d'avoir cette habitude lorsqu'il a une question à poser, d'inventer la réponse de lui-même ou de la poser à n'importe qui, mais vraiment de retourner aux savants, soit d'y retourner directement ou soit de retourner à leur fatwa, aux réponses qu'ils ont déjà données à différentes et d'innombrables questions. Pardon. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va commencer donc à traduire les différentes fatawas de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah qu'il a donné lors de cette émission. Et donc je dirai la question, la réponse du Cheikh, et il arrive parfois que le présentateur intervienne en posant des questions supplémentaires au Cheikh ou en apportant des informations supplémentaires ou en demandant au Cheikh rahimahullah des explications supplémentaires ou des éclaircissements supplémentaires. Dans ce cas, je dirais, et le présentateur dit, le présentateur a dit. Donc vous saurez que c'est le présentateur de cette émission radio. De même que je vais tenter, Inch'Allah ta'ala, dans la mesure du possible, de traduire directement les questions et les réponses en français sans les lire en arabe. Ceci dans le souci du gain de temps, car il y a deux cours aujourd'hui, et également pour que l'on puisse traduire, Inch'Allah ta'ala, le maximum de questions et réponses. Et le fait de lire les questions en arabe et les réponses en arabe prendrait plus de temps et donc nous permettrait de profiter de moins de questions, de moins de réponses. Donc il a été questionné, rahimahullah ta'ala, qu'il y a des cartes dans lesquelles sont inscrits le nom Allah. Et celui qui pose la question, celui qui a envoyé la question à cette émission, a joint à sa question des photos pour illustrer les cartes qui contient le nom Allah ou le nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou les versets du Coran, afin que le shirk puisse voir concrètement de quel genre de carte il s'agit. Donc la question est qu'il y a des cartes dans lesquelles sont inscrits le nom Allah et d'autres dans lesquelles sont inscrits des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont jetés par terre par des gens qui ne connaissent pas l'islam. Et celui qui pose la question demande au cheikh rahimahullah d'apporter des conseils à ceux qui vendent ce genre de cartes ou ce genre d'images et d'apporter des conseils également à ceux qui sont concernés par cela. Il a répondu, rahimahullah ta'ala, que ce sujet concerne et touche des gens de plusieurs façons. Il y a des cartes dans lesquelles sont inscrits le nom Allah et d'autres dans lesquelles sont inscrits le nom Muhammad. Et ces deux cartes ou ces deux images sont posées les unes à côté, l'une à côté de l'autre, et sont accrochées dans des murs ou sur une planche ou autre. Et le cheikh, rahimahullah, va parler de ces différents cas de figure. Premièrement, quel est le bénéfice d'accrocher le nom Allah uniquement et Muhammad uniquement? Si la personne pense qu'en faisant cela, qu'en accrochant le nom Allah ou le nom Muhammad sur le mur, que ceci est un moyen de bénéficier de la bénédiction d'Allah Azza wa Jalla, de la baraka, alors la baraka ne se demande pas et ne se recherche pas à travers ce genre d'acte. Car ceci n'est pas une phrase qui a un sens, dont le sens pourrait être compris dans lequel il est recherché la bénédiction. Mais, et de plus, la baraka, de rechercher la baraka à travers cela n'est pas une chose qui est légiférée. Car de demander la bénédiction à travers les noms d'Allah et ses attributs ne doit être utilisé et fait que de la façon précise qui a été rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car de rechercher la baraka est une adoration. Et l'adoration est basée sur l'abstention. On s'abstient d'adorer Allah azza wa jal, sauf lorsqu'on a une preuve qui nous enseigne et nous apprend comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de poser ou d'accrocher la parole ou le nom Allah à côté du nom de Muhammad, ceci est une forme d'association. Et le fait de mettre au même niveau Allah et son prophète, et ceci est sans aucun doute interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme lui a dit: ما شاء الله وشئت. Il y a ce qu'Allah veut et ce que tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: m'as-tu pris comme un associé à Allah? Dis: il n'y a que ce qu'Allah veut seul. Puis le fait de rechercher la baraka en accrochant le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela également n'est pas autorisé. Car l'on recherche la baraka en mettant en application et en s'accrochant à la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la mise en pratique de celle-ci. Quant à ces actions et à ces agissements des gens vis-à-vis de ces images et de ces cartes ou de ces tableaux, eh bien nous avons montré que cela est contraire à la religion. Quant à la deuxième image auquel fait référence celui qui pose la question, également il y a des choses à dire quant à l'essentialité de celle-ci, à savoir d'utiliser ou d'accrocher des images ou des tableaux dans lesquels sont inscrits des versets du Coran. Il dit, rahimahullah, que la base dans l'écriture du Coran, que ce soit de l'écrire sur des feuilles ou sur des planches, qu'à la base, cela est autorisé. Mais le fait d'accrocher cela dans les murs des maisons, cela n'a été rapporté par aucun de nos pieux prédécesseurs. Cela n'a été rapporté ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons, ni des tabi'in. Et je ne sais pas précisément à quel moment cette bid'a est apparue. Car en réalité, c'est une innovation. Le Coran a été descendu pour être lu, non pour être accroché au mur ou autre. Puis dans le fait d'accrocher cela dans les murs, il y a un mal autre que le fait que cela n'est pas rapporté de nos salafs. Ce mal est que les gens s'accrocheront à cela et considéreront ce tableau ou cette image dans lesquelles sont inscrits des versets du Coran comme étant une protection pour lui. Comme étant une protection pour lui, ainsi il se passera de la protection authentique qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de lire avec la langue, de lire des versets, de lire des formules que nous a enseignées le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est cela la véritable et bénéfique protection, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le verset du repose-pied, Ayatul Kursi, celui qui lit ce verset la nuit, Allah azawajal ne cessera de le protéger et le diable ne l'approchera pas jusqu'au matin. Ainsi, lorsque l'être humain, lorsque la personne pense que ce qu'il accroche et ce qu'il suspend comme verset du Coran sur les murs, que cela le protège, eh bien, il aura cette sensation de ne plus avoir besoin de lire le Coran, la parole d'Allah Azzawajal. Puis il y a également dans cela, dans le fait d'accrocher des tableaux ou des images dans lesquelles il y a les versets du Coran, cela est une forme, est un manque de respect vis-à-vis des versets d'Allah Azzawajal et une forme de moquerie vis-à-vis des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les assises, de façon générale, sont rarement indemnes de paroles interdites, que ce soit de la médisance ou que ce soit des injures ou que ce soit des actes interdits. Et il est possible même que dans ces assises qu'il y a dans les différentes maisons, il y a l'utilisation des instruments de musique que l'islam est venu nous interdire. Toutes ces choses interdites sont présentes alors que le Coran est ainsi présent au-dessus de ces gens-là. C'est comme si il se moquait du Coran, car le Coran est venu interdire ces choses interdites qu'ils sont en train de commettre. Que ce verset qui soit suspendu interdit ces choses de façon précise, ou que ce soit un autre verset du Coran, nul doute que cela est une forme de manque de respect, et le fait de se moquer du Coran et des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que nous conseillons nos frères en islam de ne pas accrocher ce genre d'images et de tableaux. Que ce soit des tableaux qui comportent Allah ou le nom Muhammad ou des versets du Coran. Mais ils doivent utiliser ce qu'ont utilisé nos salafs, nos pieux prédécesseurs, car il y a dans cela le bien et la baraka. Quant au sujet auquel a fait allusion, celui qui pose la question, dans le fait que certaines de ces, images ou de ces tableaux dans lesquels sont inscrits les versets du Coran sont jetés dans les marchés ou dans les ordures ou dans les endroits que les gens piétinent, ceci également est interdit. Car il y a dans cela un manque de respect et un rabaissement du Coran. Mais celui à qui l'on adresse ces conseils est celui qui détient et qui a en sa possession ce genre d'image ou de tableau. Concernant les vendeurs, ceux qui vendent ce genre de tableau ou d'image, s'ils savent que la plupart du temps, eh bien, il y a un manque de respect et il y a un dénigrement de ces images qui est commis par les gens, alors cela amène à l'interdiction pour eux de vendre et de commercer avec ces images. Car la règle islamique est que lorsque l'acte de vente est un moyen qui amène ou qui le plus souvent amène à une chose interdite, alors ce contrat de vente est interdit, car il est basé sur l'entraide dans le mal et la turpitude. Ainsi, je pense avoir répondu à cette question. Quant au fait d'accrocher le Coran sur les malades, que leur maladie soit une maladie physique ou psychique, dans le fait d'accrocher des versets du Coran sur le malade, que sa maladie soit psychique ou physique, dans le but de guérir, cela est un sujet de divergence entre les salafs et les khalafs. Parmi les savants, il y a ceux qui l'autorisent. Car le malade, en portant des versets du Coran sur lui, ressent une sérénité et une quiétude dans le fait de porter la parole d'Allah, des versets du Coran sur lui. Et nul doute que les sensations du malade ont un impact sur sa maladie, que ce soit dans l'augmentation de sa maladie ou que ce soit dans la diminution, voire dans l'éradiction de sa maladie. Ici, le cheikh fait allusion à l'état de la personne, du malade et de son moral, et que le moral a un impact sur la maladie. Plus le moral du malade est bas, et plus sa maladie augmente. Et plus son moral est bon, et plus sa maladie diminue, voire disparaît par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des savants qui disent que cela n'est pas autorisé, car cela n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé ce moyen dans le but de rechercher la guérison, mais que la guérison se recherche en lisant ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le malade, en faisant la ruqya sur le malade, que ce soit le malade qui fasse la ruqya lui-même ou que ce soit autrui qui le fasse sur lui. Donc une chose qui n'est pas rapportée dans la religion comme étant une cause, le fait donc d'attester cette chose comme étant une cause alors que rien dans la religion ne vient le prouver est une forme de shirk, d'associanisme, de polythéisme. Car il est interdit d'attester une chose comme étant une cause sans avoir une preuve du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le fait donc d'attester la causalité d'une chose revient à ce que nous innovions une chose que l'islam n'a pas légiférée, et ceci est une forme de polythéisme. Naam, tu voulais dire ? L'autre question posée au Cheikh, rahimahullah ta'ala. Nous vivons dans une région montagneuse qui est difficile d'accès. Et la plupart du temps, nous utilisons des animaux pour nous déplacer, comme des chameaux, des ânes, des mules. Et également, lorsque nous nous rendons à l'école, qui est éloignée de notre contrée, d'une distance de 10 km à peu près. Et le questionneur dit, et nous frappons ces montures violemment pour qu'elles avancent et pour qu'elles puissent accomplir le trajet vers l'école de la façon la plus rapide possible. Quel est le jugement de frapper les animaux afin que de frapper les montures afin qu'elles avancent plus vite et qu'elles parcourent une distance de façon plus rapide. Sachant que j'ai lu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les animaux réclameront leurs droits et leurs dus de l'être humain le jour du jugement, apportez-nous des éclaircissements, qu'Allah vous récompense. La réponse du Cheikh, rahimahullah ta'ala, nul doute que les animaux sont des êtres qui ont une âme et qui ont une sensibilité. Ils ressentent la douleur lorsque l'on les frappe. Et il est difficile pour eux et ils ressentent de la difficulté lorsque l'on les charge plus que leur capacité. Il est donc interdit aux musulmans de charger un animal plus que ce qu'il ne peut supporter. Que ce qui est chargé sur lui soit que la chose qui lui est imposée soit une charge trop lourde, ou que ce soit le fait de demander à cette monture de parcourir des distances qu'elles ne peuvent pas accomplir et parcourir. Et toute autre chose qui pourrait être difficile pour elles. Quant au fait de frapper les montures, cela est autorisé lorsqu'il y en a un besoin, à condition de ne pas les frapper de façon violente. Car il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jabir radiyallahu ta'ala an, dans l'histoire du chameau de Jabir radiyallahu ta'ala an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rattrapé. Et il y est dit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé ce chameau. Cette histoire du chameau de Jabir radiyallahu an, donc là, c'est un commentaire de ma part, est rapporté dans le Sahih de l'Imam Bukhari et Muslim. Dans une expédition, Jabir radiallahu anhu, et dans d'autres versions du hadith que c'était l'expédition de Dhatul Riqa', que la monture, le chameau de Jabir radiallahu anhu, était extrêmement lent, au point qu'il s'est retrouvé derrière quasiment tout le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité de Jabir et lui a demandé « Qu'as-tu ?» Et Jabir radiallahu anhu lui a répondu que son chameau est extrêmement lent et qu'il avance de façon extrêmement lente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé de quelques coups le chameau qui s'est mis à avancer de façon extrêmement rapide. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit qu'il a rapporté donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jabir, dans l'histoire de son chameau, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rejoint et il est cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé ce chameau. Donc la base est que frapper des animaux, lorsqu'il y a dans cela un besoin et lorsqu'on ne les frappe pas violemment, que cela est autorisé. Et la preuve dans la sunna est le hadith de Jabir. Quant au fait de les frapper sans besoin, ou de les frapper violemment, ou lorsque le fait de frapper l'animal l'amène à difficilement supporter cela, alors dans ce cas, cela est interdit. Puis il était questionné, rahimahullah, quel est le jugement de celui qui maudit ses parents sous l'emprise de la colère ou celui qui les maudit de façon volontaire? Et cette malédiction, qu'elle soit volontaire ou non, y a-t-il une expiation ou un repentir? Que doit faire celui qui a maudit ses parents? La réponse: le fait de maudire ses parents fait partie des plus grands péchés, car il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: Allah maudit celui qui maudit ses parents. Que ceci soit une malédiction directe ou que ce soit une malédiction indirecte qui est causée indirectement par l'enfant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été dit: et est-ce qu'un homme peut maudire ses parents? Et est-ce qu'un homme peut maudire ses parents? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, il insulte le père d'un homme et cela revient à insulter son père. Et il insulte la mère, c'est-à-dire de l'homme, et il insulte ainsi sa mère. Le fait donc de maudire ses parents, que ce soit de façon directe ou indirecte, fait partie des grands péchés. Il n'y a aucune différence dans ce jugement lorsque cette malédiction a une cause ou n'a pas de cause. Si cette malédiction a une cause comme l'énervement ou qu'elle n'a pas de cause, le jugement est le même. Sauf que concernant l'énervement et la colère, lorsque la personne est en colère et que sa colère l'amène à ne plus savoir ce qu'elle dit, alors dans ce cas, il n'y a point de mal pour lui, car il n'avait pas la raison lorsqu'il parlait. Et Allah subhanahu wa ta'ala rétribue le serviteur de par ce qu'il accomplit en ayant sa raison, non pas lorsqu'il n'a plus sa raison. Sauf que il est demandé à la personne, lorsqu'il est énervé, lorsqu'il est extrêmement énervé, ou lorsqu'il s'énerve très vite, de mettre en œuvre les causes qui lui permettent d'éradiquer cette colère ou de l'alléger. Car un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam des conseils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne t'énerve pas. Et cet homme a réitéré sa demande pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le conseille. Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: ne t'énerve pas. Lorsque la personne donc ressent de la colère, qu'elle demande la protection d'Allah contre le diable et qu'elle accomplisse ses ablutions, car ceci sont des causes pour éradiquer la colère. Et également, parmi les causes qui permettent d'éloigner les conséquences qui pourraient découler de la colère, est le fait que la personne quitte le lieu dans lequel elle se trouve et qu'elle se sépare de la personne avec qui elle se dispute, afin que des conséquences néfastes ne surgissent pas et ne se concrétisent pas. Puis le présentateur dit: mais concernant la taouba, concernant le repentir, a-t-il à repentir? Et le cheikh rahimahullah a répondu: concernant le repentir, oui, il a un repentir. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas un péché sans qu'il n'y ait un repentir pour celui-ci. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans Sourate Az-Zumar, le verset 53, dit, ô mes serviteurs, qui avez causé du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Allah est le pardonneur, le tout miséricordieux. Mais, parce que ce péché est lié à une créature, il doit demander le pardon à celui à qui il a causé du tort afin que son repentir soit le plus complet possible. Puis il était questionné, rahimahullah ta'ala. Je suis un ouvrier marocain et je travaille dans une usine et dans un abattoir de volailles en Hollande. Et ces volailles sont ensuite destinées à différents pays musulmans. Sachant que ces volailles ne sont pas égorgées selon le rite islamique. Il dit, c'est-à-dire le questionneur, est-ce que ces volailles sont licites ou est-ce qu'elles sont illicites, sachant que ces volailles sont exposées à des courants électriques que l'on appelle là l'électronarcose, ou à des pistolets spécifiquement conçus pour tuer ces volailles. Quel est le jugement de cela ? Il a répondu, rahimahullah ta'ala, le jugement est de savoir tout d'abord qui procède à l'égorgement. Est-ce un musulman ou est-ce une personne parmi les gens du livre ? Si la réponse est négative, c'est-à-dire que celui qui égorge n'est ni musulman et ne fait pas partie des gens du livre, alors cet égorgement et ces bêtes sont interdites, même si elles sont sacrifiées suivant le rite musulman. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ » vous est permise la nourriture des gens du livre. Ainsi, Allah Azzawajal a cité de façon précise ceux qui ont reçu le livre, à savoir les juifs et les chrétiens, et le fait que leur nourriture est licite pour nous. Puis il dit, rahimahullah, il explique que ici, les gens du livre, c'est une caractéristique, et ce n'est pas un nom propre. Ce n'est pas un nom propre, mais une caractéristique. Car certains disent que Ahlul Kitab, c'est un nom propre dans lequel entrent les juifs, les chrétiens, mais tous les autres associateurs. Or, et c'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymeen dit, or, la parole d'Allah Azzawajal, les gens du livre, c'est-à-dire ceux qui se sont vus donner le livre. Donc c'est donc une caractéristique. De la même façon que les gens du livre ont d'autres jugements qui sont spécifiques à eux, des jugements qui ne s'appliquent pas aux autres non-musulmans. Donc ici, dans le verset, les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens, ceux à qui un livre a été révélé. Donc, ce que nous disons, que l'égorgement d'une personne qui ne fait pas partie des gens du livre, les juifs et les chrétiens, que la bête égorgée n'est pas licite, quel que soit le moyen utilisé. Si la réponse est positive, donc la réponse à la question qui procède à l'égorgement, est-ce un musulman ou est-il musulman ou fait-il partie des gens du livre ? Si la réponse est positive, à savoir que celui qui sacrifie est soit un musulman, soit un juif ou un chrétien, nous regardons alors dans ce cas le moyen utilisé. Si le moyen est islamique, alors la bête est licite. Si le moyen n'est pas islamique, alors la bête ne l'est pas. Et certains savants sont de l'avis qu'il est autorisé, que les bêtes sacrifiées par les gens du livre sont autorisées même si ces bêtes ne sont pas tuées conformément au rite islamique. Et ils ont pour preuve le verset de Sourate Al-Ma'ida, « Vous est permise la nourriture, yarhamukallah, des gens du livre. » Et ils ont dit que ce que les gens du livre considèrent comme une nourriture pour eux et comme étant sacrifié et autorisé pour eux, alors cette nourriture est également autorisée pour les musulmans, quelle que soit la façon qu'ils utilisent pour sacrifier cette bête. Et ils ont pour preuve également, donc ces savants qui autorisent de manger les bêtes sacrifiées par les gens du livre, quelle que soit la façon dont ils égorgent, également ils utilisent pour preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait les bêtes sacrifiées par les juifs et ne demandait pas de précision sur la façon par laquelle ils égorgeaient. Mais l'avis le plus prépondérant est qu'il est obligatoire que l'égorgement soit conforme au rite islamique, à savoir qu'il y ait l'écoulement du sang, car ces versets généraux, ces textes généraux, je veux dire par là le verset de Sourate Al-Ma'idah, vous est permise la nourriture des gens du livre, et également ce qui a eu lieu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait qu'il ait mangé les bêtes égorgées des gens du livre, que tout ceci est spécifié par un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait couler le sang et dans lequel le nom d'Allah a été prononcé, alors mange. Ceci, ce hadith, vient et a la prépondérance sur les autres textes généraux qui prouvent la licéité des bêtes sacrifiées par les gens du livre, quel que soit le moyen d'égorgement. Également, le sens également implique cela. Car le fait de garder le sang dans la bête, c'est ce qui fait que cette bête est mauvaise, qu'elle est impure et donc qu'elle est interdite. Également, si l'on demande aux musulmans qui est plus noble et meilleur que la personne des gens du livre, si l'on demande aux musulmans de faire couler le sang, alors l'on le demandera encore plus à celui qui fait partie des gens du livre. Si on impose aux musulmans que la bête, le sang doit couler, or le musulman est meilleur que le kitabi, cela prouve que cette personne parmi les gens du livre est encore plus demandée à ce que le sang soit écoulé. Il reste maintenant le moyen qu'a cité le questionneur. Est-ce que ce moyen utilisé fait couler le sang ou non ? Le présentateur dit, il a dit que les volailles sont électrocutées et qu'après cela, leur tête est coupée afin que le sang coule. Le cheikh a répondu, rahimahullah, si le sang coule et jaillit après avoir coupé la tête, cela signifie que la bête n'est pas morte de l'électrocution, mais qu'elle a été assommée, puis égorgée. Et de cette façon, la bête est licite. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui fait couler le sang et sur lequel le nom d'Allah est prononcé. Or, le sang ne peut couler de façon habituelle que lorsque la bête est vivante. Quand elle est morte, alors le sang change et il coagule et ainsi il ne sort pas et parfois il sort mais très peu. Dans tous les cas, si cette électronarcose qu'a cité le frère questionneur n'amène pas à la mort de la bête au moment où il l'égorge, si il l'égorge avant que l'âme ne quitte cette bête, alors c'est un sacrifice qui est légiféré. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit حُرِّمَتْ ثُمَّ اسْتَسْلَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 3 de sourate Al-Ma'idah, vous sont interdits les bêtes mortes, le sang, la viande de porc et ce qui est sacrifié pour autre qu'Allah, walmun khaniqatu, celle qui est étouffée. Et Allah Azza wa Jalla a cité les différentes catégories de bêtes, donc celle qui est jetée, etc., et celle mangée par des bêtes féroces. Illa ma dhakkaytum, sauf celle que vous avez égorgée, c'est-à-dire avant qu'elle ne meure. Et donc, toutes ces catégories de bêtes citées dans ce verset 3 de Sourat Al-Ma'idah ont été spécifiées par la parole d'Allah, illa ma dhakkaytum. Puis il dit, rahimahullah, que al-munkhaniqa, celle qui est étouffée, la bête étouffée, est celle qui ressemble le plus à celle qui subit l'électronarcose. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une exception en disant que exception est faite aux bêtes qui sont sacrifiées, c'est-à-dire qui sont égorgées avant de mourir. Et lorsqu'elles sont égorgées avant de mourir, alors elle devient licite. Elle devient licite. Comme la bête, par exemple, qui tombe d'une terrasse. Qui tombe d'une terrasse et qui tombe par terre. D'accord ? Elle est blessée. Elle est mourante. Si elle meurt comme ça, c'est une bête morte. Il t'est interdit de la manger. Mais si, lorsque tu descends et que tu la vois encore vivante, et que tu la sacrifies, que tu la débères, que tu l'égorges, avant qu'elle ne meure, alors dans ce cas, elle devient licite pour toi. Puis il dit, rahimahullah, ainsi, cette électrocution est un moyen qui permet de faciliter l'égorgement uniquement. Si le sang coule avant que l'âme ne sort, alors cette bête est licite. Par contre, si cette électrocution, si cette électronarcose provoque la mort de la bête, mais cela est contraire à ce qu'a dit le questionneur, alors nous disons que dans ce cas, elle n'est pas autorisée. Si l'électrocution provoque la mort de la bête, alors provoque la mort de la bête avant qu'elle ne soit égorgée, alors elle devient illicite. Le présentateur dit, mais selon la situation citée par le questionneur, le sang sort. Est-elle donc licite? Le cheikh a répondu, oui, si c'est le sang qui est connu, qui sort de la bête, alors elle est licite. On s'arrête ici, inshallah ta'ala, pour les fatwas de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, et on continue avec la suite de l'explication.